Et dans les campagnes, est-ce que vous ramassiez des plantes sauvages pour faire à manger? Ben, vous savez, un peu au printemps, on ramassait la bourrache. La bourrache? Oui. La bourrache et les pointes d'ortie. On la faisait bourrache, elle était sauvage? C'était la bourrache sauvage. C'est sauvage, ça, oui. Mais il y en avait beaucoup en bas, voyez, dans ces jardins. Maintenant, il n'y en a presque plus. Des fois, je passe, je regarde. Mais alors, il y avait de ces plantes comme ça. On faisait la tourte avec, voyez. De la tourte de bourrache? De bourrache et puis de pointes d'ortie. Vous mélangez ortie, bourrache? Oui, et un peu d'épinards. Ah oui? Oui. Et la bourrache, parce que vous voyez, il s'est passé des années, enfin, moi, je n'ai pas tellement connu, et qu'il faisait très très froid. Vous voyez? Il tombait beaucoup de neige, il faisait très très froid. Parce qu'on ramassait beaucoup la violette ici, hein. Oui, beaucoup, beaucoup. Et la bourrache, c'était pareil, quoi, c'était pour les gros grumes, vous voyez, les froids, quand il faisait froid, ben, on faisait la bourrache, ou la violette, ma mère, elle en ramassait beaucoup. Les queues de cerise. Mais la bourrache, vous en faisiez seulement de la tourte ou vous en faisiez pour autre chose? Non, la tourte ou une omelette, vous voyez. Oui. Mais alors, vous faisiez comment la tourte? Vous allez bien me donner la recette. La tourte de bourrache. Ben, c'est comme la tourte d'épinards, hein. Oui, mais moi, c'est je pareil. Sais pas la faire, la tourte d'épinards. Ah bon? Ah, oui, c'est très bon, la tourte de bourrache. On fait comment, là? Eh bien, on lave les feuilles, donc, bien sûr. Après, on les coupe bien, bien. Vous savez que ce soit bien coupé fin. Mm-hmm. Il ne faut pas hacher, hein, parce que ça reste trop. Il ne faut pas cuire non plus. Il ne faut pas le cuire. Ah non, il ne faut pas cuire, hein, parce que c'est comme l'épinard, vous voyez. Oui, alors quand c'était bien coupé, d'abord on préparait sa pâte aussi. Hein. Et la pâte, elle est faite avec quoi? Oh, la pâte, la farine, comme la tourte. Hein. Il y a des œufs, il y a... Ah non. Pas d'œufs. Non, on y met un peu d'huile, un peu de sel, c'est tout. De la farine, de l'huile, du sel. Oui, et un peu d'eau, quoi. De l'eau, oui, bien sûr, pour pétrir. Mmh. Hein. Et puis alors, vous mettez des œufs, du fromage, et vous mélangez soit à la blette, soit à l'épinard. Mmh. Il faut mélanger, hein, il ne faut pas faire rien. On ne fait pas que rien que bourrage. Ah non. Non. Non. Mais c'est très bon. Est-ce qu'on fait, par exemple, des tourtes de bourrache et d'ortie seulement? Ah ben, on peut... Oh, je ne sais pas, hein, je crois qu'il faut mélanger un peu. Avec de la blette ou de l'épinard? D'ortie, oui. Et de bourrache, il faut mélanger. Ou épinard ou blette, vous voyez? Non. Non. Non, je vous dis, des bourraches, il n'en vient plus comme il en venait avant, je ne sais pas pourquoi. Mm-hmm. Mais il y avait de ces plantes, de ces touffes comme ça. Mm-hmm. Ouais. Et de l'ortie, vous en faites? Alors, tu sais, ça vient, c'est sauvage, hein, c'est dans les chemins. Mmh. Et vous en faites encore ou vous en faites? Ah non, non, non, là, non, on ne va pas à la bourrache et on ne va pas à l'ortie, hein. Non. Non, non. C'est fini tout ça. Non, non, ça et l'ortie, c'est pareil, ça se mettait cru, ça se mettait, ça ah se mettait oui, comme, cru. Comme la bourrache et l'épinard ou la blette. Ah oui. Ça se met tout cru. Du sel, du poivre, de l'huile, des œufs, du fromage et du lait. Et du lait. Et alors avant, vous savez, maintenant, on y met un gervier quand on fait la tourte d'épinards, hein. Ah, un oui. Gervier ou deux. Mais dans le temps, quand ils faisaient la tourte, ils allaient chez les bergers. Oui. Et ils prenaient la brousse fraîche, pas la brousse forte. Ah, oui, pas le fort. Et alors, c'était bon, hein. Bon, alors, ils mettaient 200 grammes. 300 grammes, ça dépend pour la tourte, parce que là, ils faisaient des tourtes comme ça. Ah oui. Ah oui, ça se cuisait au four communal. Ah oui, des grandes plaques, alors. Oui, des grandes plaques. Et ça se mangeait tous les jours, la tourte, ou on a mangé ah le non, dimanche? Non, on la faisait une fois par semaine. Ou... Ah non, ça... Mais c'était un plat qu'on mangeait, disons, plutôt un plat de fête, ou alors un plat... Ah non, non, c'était un plat... Normal. Parce qu'on ne mangeait pas de viande, vous savez. Mm-hmm. Alors tous les jours, on changeait de menu. Un jour, c'était les boursouses, un jour, c'était la tourte. Un jour, c'était un ragoût de morue. Vous voyez, avant, on mangeait beaucoup de la morue. Maintenant, on n'en mange presque plus. Mm-hmm. Hein. Maintenant, c'est la viande, hein. Tandis que moi, la viande, je l'ai connue le dimanche. Hein. Alors, ils achetaient un gros morceau de viande et puis ils la gardaient pour la semaine pour faire la sauce pour les pâtes. Hein. Puis on nous en donnait un bout. Maintenant, tous les jours, on va la viande. Hein. On ne sait pas cuisiner comme avant. Hein.